Claude prend toujours toute la place. Dans les réunions au bureau... Donc les chiffres pour le trimestre sont... Hey! Je vous ai pas conté mon histoire de la pêche la... À la maison... Puis ma belle, comment ça a été à l'école aujourd'hui? Moi, j'ai passé une super belle journée, puis en plus... Avec ses amis... Là, je suis allé voir la fille, puis je... Avez-vous vu mon nouveau chandail? Il est pas payé, ben... Malgré tout, lorsqu'il roule en voiture, Claude ne prend pas toute la place. Car il sait que les automobilistes doivent partager la route avec les cyclistes et les piétons. Allez-y, madame! Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. CKRL HD. Une radio haute décibels. Bonsoir, chers amateurs de rock progressif, et bienvenue à l'émission Terra Incognita. En compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet à l'animation et au choix musical. On va débuter avec la nouveauté de Willow Glass, qui est l'œuvre de Andrew Marshall. C'est un Britannique et c'est son troisième album de Dream Harbor. Et sur ça, donc, il y a Andrew Marshall qui fait les guitares, claviers, basses. Il est accompagné donc au drum et percussion par Hans-Jörg Schmidt. Et il y a également Steve Unruh qui fait les violons, la flûte et des guitares supplémentaires. Et c'est la première fois que Unruh participe donc à Willow Glass et c'est super réussi. Je vous dirais, c'est vraiment bien. Ce qu'on va écouter ce soir, Jean-François avait fait jouer The House of Cards Part 2. Il y a deux semaines de cela. Alors, on va y aller avec The House of Cards Part 1. C'est vraiment un album mélodique, c'est instrumental et c'est tout à fait dans la lignée des sonorités qui font penser au vieux Genesis, donc très britannique. On y va avec cette belle et longue pièce de Willow Glass, tout de suite en musique. Thank you. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. CKRL a le mandat pour une troisième année consécutive de faire la cueillette de matières recyclables lors de la fête nationale. Et on souhaite votre participation. Alors, qu'est-ce que vous faites le 23 juin prochain? Venez passer une soirée agréable tout en contribuant au financement de votre station et aussi à la propreté de votre ville. Faites part de votre intérêt en écrivant à directionacommercialecKRL.qc.ca ou par téléphone 88-640-2575, poste 201. Vous avez un projet d'entreprise? Venez rencontrer les professionnels du Centre local de développement de Québec qui sauront vous accompagner dans les différentes étapes de votre projet. Visitez la porte d'entrée des entrepreneurs, le clddequebec.qc.ca. Le Centre Espoir Charlebourg est au service de toutes les personnes touchées de près ou de loin par le cancer. Il vous offre en toute confidentialité et à votre rythme des rencontres individuelles, de couple ou de groupe, de l'écoute téléphonique et des visites d'accompagnement à domicile. Participez à notre campagne de financement pendant les mois d'avril et mai en appelant au 88-623-7783 ou par le site internet centreespoir.com. Un reçu pour fin d'impôt vous sera émis. La solidarité est importante pour vaincre le cancer. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais au restaurant Les Colocs, 400 3e avenue Limoilou, au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est, à la Fournée Bio, 1296 3e avenue Limoilou et chez Amassan Le Masseur. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais, ça peut être payant. Alors, de retour avec Bruno et Marc, et on a un invité spécial aussi, François, qui est là, et je vais le présenter dans quelques minutes. Ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était donc Days Between Stations, c'est leur nouvel album In Extremis qu'on a présenté la semaine dernière et la semaine précédente. Et c'est vraiment un album dont plusieurs personnes parlent, une belle réussite. Donc, c'est le projet de Oscar Fuentes Bills et Sepand Sazade. Pas évident à prononcer. Mais il y a sur ça plusieurs invités, dont Tony Levin et Peter Banks, qui maintenant nous a quitté ce monde, qui était le guitariste, qui était le premier guitariste de Yes. Il y a Billy Sherwood, Eric Wakeman, donc plusieurs belles participations. C'est un album très réussi. C'était donc la pièce d'ouverture, No Cause for Alarm. Il y avait juste avant, comme je l'avais mentionné, il y avait eu Willow Glass tiré de The Dream Harbor. C'était The House of Cards Part 1. D'ailleurs, parlant de Days Between Stations, dans le nouveau magazine Terra Incognita, le nouveau numéro 34, il y a une entrevue. Il y a également Life Signs, dont on aura une pièce tantôt. RPVL, il y a toujours plein de chroniques de CD. Et je vous invite à vous le procurer. Alors, comme je le disais, François Fontaine est avec nous. Bonsoir, François. Salut, Marc. François, c'est un passionné de musique aussi, puis il y a quelques nouveautés intéressantes à nous présenter ce soir, donc bienvenue à l'émission. Merci. Alors, parle-nous un peu de ce que tu nous proposes, le groupe Grice, ou l'artiste Grice? L'artiste Grice, Jim Grice, c'est son premier album, c'est quelqu'un dans la trame de Steven Wilson, arrangeur, producteur, compositeur, qui touche un peu à tout dans le domaine de la musique progressive. Et puis, ici, c'est entouré de Richard Barbieri de Porcupine Tree, qui est forcément en pause. Il s'est trouvé un nouvel emploi ici. Et puis, un autre musicien que j'aime beaucoup, Marcus Reuter, que moi, j'ai connu via le Crimson Project, parce que je suis un fan fini de King Crimson. Et ici, il nous présente c'est la pièce d'ouverture de l'album Propeller, Highly Strung. Tu disais que c'est une pièce qui a été réarrangée ou remasterisée? Cette version-là... À l'album original? C'est ça. Cette version-là est peut-être un petit peu plus longue qu'on trouve sur l'album. C'est un remix de Richard Barbieri, puis qui est très, très réussi. Quand la pièce commence, ça fait réellement penser à du Steven Wilson. Et puis, ça progresse, ça développe vers autre chose, mais dans les toutes premières mesures, on a l'impression que c'est une pièce de Wilson qu'on va entendre. Puis, il y a un autre artiste qui était un must, là, que tu voulais absolument me présenter, Lee Fletcher. Lee Fletcher, également, c'est son premier album qui s'appelle Fate in a Worthless Thing. L'album est sorti en 2012, je crois, à la fin de l'automne 2012. Et puis, il travaille avec sa sœur. Lorsqu'il y a du chant dans sa musique, c'est Lisa Fletcher qui chante. Puis, ça peut peut-être faire penser un petit peu à une certaine époque, Mike Oldfield, lorsqu'il travaillait avec Maggie Riley. Et ici, on retrouve entre autres un musicien qui a travaillé avec David Sylvian, Tim Mozart. Et puis, c'est un bijou de pièce. Là, c'est quelque chose que je suis convaincu que les auditeurs vont adorer entendre. C'est... Alors, donc, la pièce « Is it me or is it you » de Lee Fletcher, mais tout d'abord, Grice avec Eilie Strong. Thank you. There's a face in the corner, looking inwards with unseeing eyes. It knows that I'm watching, still the moment is uncompromised. It looks just like people, but there's something that's missing to me. A flicker of feeling to any degree. Through the haze and the wire, there's a world that I don't recognize. Devoid of all meaning, unbuttoned, revealing, it's burning my eyes. The life's overheating, suffocating, unforgiving, it's painful to see. Such passion for freedom and brutality. There's a face in the mirror, staring outwards with all-seeing eyes. It's streaming the future, though the past has been compromised. We pillage the living, ever seeking, kiss and tell immorality. Besieging all senses. Alors, c'est une pièce qui me séduit, ça c'est clair. Oui, c'était très bon. Hein? C'était ouais. Lee Fletcher. Lee Fletcher de l'album Fate and Worthless Thing. Puis pour ceux que ça intéresse, ces albums-là, on peut facilement les trouver sur Bandcamp. En tapant le nom de l'artiste, on va les trouver facilement. Et également, il y a un petit lien là, avec tous ceux que je vais faire entendre à soir. C'est Unsung Records. C'est une espèce de... Finalement, ces artistes-là sont comme regroupés dans un collectif qui s'appelle Unsung Records. Il y a un Italien dans ça. Il y a une autre personne qui est au Texas, en Angleterre. Et puis, très régulièrement, ils collaborent probablement en échange de fichiers musicaux. Et puis, ils créent des albums de cette façon-là. Puis, on retrouve souvent ces artistes-là sur les albums respectifs de chacun des membres de ce collectif-là, encore une fois, qui s'appelle Unsung Records. Donc, il y a également l'artiste Grice qu'on a entendu, la première pièce, là, qui commençait tout doucement, puis qui partait assez... à la Porcupine Tree, on sentait un peu une influence de Porcupine Tree, puis peut-être dans le pont quelque chose qui pouvait peut-être faire penser à Peter Gabriel là, dans la façon de traiter les sons des percussions électroniques là, dans ça. C'est mon impression à moi. Alors on va y aller avec maintenant le Life Science, qui est le projet de John Young, Martin Beadle et Nick Beggs. Il y a aussi sur ça les invités Steve Hackett, il y a Jaco Jagzik. On parle de collaboration, de collaborateurs avec la famille King Crimson, ça en est un. Et il participe à plusieurs pièces d'ailleurs sur cet album-là. Et il y a aussi Tis Van Leer qui fait la flûte dans le groupe Focus, qui est un groupe hollandais des années 70. Ceux qui s'intéressent, les potinages, Jaco Jagzik a épousé la fille de Ian McDonald, qui était le multi-instrumentiste du tout premier album. Exactement. Là, ouais. In the Court of the Crimson King, là, qui est le gros disque qui a fait connaître, qui a propulsé le King Crimson... qu'ils ont fait vraiment connaître. Là. C'est Absolument. Un peu spécial parce que c'est rarement que le premier disque est celui qui fait paf là, autant. Les gens font waouh, qu'est-ce que c'est ça, cette musique-là. Il avait également pu profiter du. En 69, il y a eu le décès de Brian Jones des Rolling Stones, puis King Crimson se trouvait à jouer au Hyde Park, à un concert où est-ce que les Rolling Stones étaient à l'affiche. Et puis, suite à la mort de. C'est clair que. À la mort de Brian Jones. Beaucoup de gens s'étaient rendus pour ce concert-là et King Crimson a pu profiter aussi du nombre de gens et de faire valoir leur musique à un large public. Super énergique. Alors, comme je l'annonçais, on va y aller en musique avec Life Signs, la pièce Carousel, et on vous revient, puis on a d'autres nouveautés avec François, Marc et Bruno. I feel the wind rise under these wings. I look to the skies as the sunset begins, and I fly. I sleep in here. Sleeping here. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. C'est KRL. Québec. Voulez-vous un signe que l'été est bel et bien arrivé? Un seul événement, Limoilou en musique du 20 au 23 juin, de concert avec la Fête nationale des Québécois et Québécoises, vous propose un véritable feu roulant d'activités pour toute la famille. Y'en a qui connaît, y'en a qui connaît pas. Au programme, Radio Radio, Angel Forest, Patti Galant, Les Batins et plus encore. Du 20 au 23, c'est Limoilou en musique. Informez-vous sur monlimoilou.com et limoilouenvrac.com. Mon oncle Serge est amour. Il aime le sexe, il aime la drogue, il aime le rock and roll et surtout, il aimerait que vous achetiez son nouvel album qui s'appelle Pourquoi mon oncle Serge joue-tu du rock and roll? C'est un disque entièrement acoustique avec de la guitare sèche et de la contrebasse mur à mur et des chansons sur le hockey, la campagne, les groupes et les élections, Pierre-Carl Pelado, les punks français et j'en passe. Pourquoi mon oncle Serge joue-tu du rock and roll est en vente partout où ce qu'on vend encore des disques. Et du rock and roll. Salut, c'est encore moi. Vous vous souvenez du t-shirt 40e anniversaire de CKRL? Bon, on a encore toutes les grandeurs. Petit, moyen et large, mais il est en vente. 15$. Wouh! 5$ de rabais, c'est pas si pire. 405, 3e avenue, Limoilou, pour un temps limité. Salut. De retour avec Bruno, Marc et François. On a entendu Life Sign juste avant la pièce Carousel. On poursuit donc. François est là pour nous présenter des nouveautés. Donc, un deuxième extrait de Grice. Deuxième extrait de Jim Grice, la pièce Petiently. Encore une fois, c'est une version... il existe trois versions de cette pièce-là. Une superbe version de 3 minutes, mais vraiment... de 7 minutes environ, mais complètement différente de ce qu'on va entendre. Ici, j'ai amené la version qu'on mettait entre parenthèses, version pour les radios. Et puis, il y a du violon dans ça, il y a de la trompette. Il y a un petit côté qui peut peut-être appartenir au milieu jazz, mais reste une très belle pièce de rock progressive de ce jeune Jim Grice. Puis il y a également Lee Fletcher qui est sur cette pièce-là. On a entendu un extrait de Lee Fletcher tantôt, puis il collabore à cette pièce. Exactement, il collabore en faisant des soundscapes, quelque chose qui appartient peut-être plus à Robert Fripp, mais ce sont tous des gens finalement qui sont très très près de l'école de Robert Fripp, dont je suis fan, encore une fois, j'ai envie de le préciser. Et puis, c'est un peu finalement cette famille-là de King Crimson qui m'ont fait découvrir... Des artistes plus underground comme ceux-là. Exactement. Puis on va poursuivre ça avec un extrait de... un projet de Colossus qui est distribué par Musea. C'est de Stories of H.P. Lovecraft, Symphonic Collection, et il y a une pièce du groupe Daal, qui est un duo de l'Italie. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, allons-y tout de suite avec Grice et Daal. Sleep. If loving was a crime, then I will wait so patiently. Space. Well, I don't know what. Vandergraaf Generator sur les ondes de CKRL, c'était tiré de l'album A Grounding in Numbers, leur plus récent, la pièce Bonne Chou. D'ailleurs, Vandergraaf qui seront à partir de demain à Prague pour le début de leur tournée européenne. où ils vont pour la première fois en carrière interpréter la pièce A Plague of Lighthouse Keepers, qui est un côté, le côté, la face B de l'album Pan Arts, qui a été leur plus grand album, le plus connu. Et ils vont également jouer Flight, qui est une interprétation à la Van der Graaf en trio de cette pièce de Peter Hamill qui était sur A Black Box en 1980. On a François qui est là, et juste avant, on avait Grice. Donc, tu nous as fait connaître cette merveilleuse pièce. Il y a un auditeur qui trouvait ça très bon, qui nous a téléphoné. Donc, la pièce Patiently, c'est ça? Donc, Patiently. Oui, c'était super intéressant. Tu as un autre artiste à nous faire découvrir ce soir, mon cher. Absolument. Yoshi Hempel. Un nom fort probablement à consonance japonaise, mais ce musicien est basé au Texas. Et puis, celui-ci, différemment des autres, c'est lui qui joue tous les instruments. Son album qui s'appelle Water Dealer est coproduit par Marcus Rutter, que je vous avais parlé tantôt, qui est un membre maintenant du trio de Tony Levin, Steakman, et puis fort probablement que Marcus Rutter est celui qui a apporté un côté très écrit de la musique, parce que c'est quelqu'un qui a une formation musicale universitaire, là. Et puis il fait partie du collectif que je parlais aussi au début, Unsung Record, et Tributary, c'est une pièce que moi je qualifie probablement de psychédélique. Mais à vous de juger, c'est une pièce qui fait presque 9 minutes. Et puis, fort intéressante et d'inspiration probablement de Hendrix, Bowie, Talking Heads et un peu de King Crimson, évidemment. On y va tout de suite avec Yoshi Hempel. Here I sit between the stages. Try to stop to play for you. That happy day chills. Well, don't you dare to scroll in my black pages. Don't be scared. Well, don't you wanna be a kind of sages? And the angels, teachers, and sages, the features of nature. And I guess you might feel the pleasure, a pleasure to live in the right measure. And the way of ways, the way of way, the way of ways, the waves of way, of blood that beats your heart, of blood that beats you. Mm-hmm. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. 89.1. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Au bal du Lézard, ça bouge la fin de semaine de la fête nationale. Le jeudi 20 juin à 17h, le bal vous propose Robob et l'orchestre Limoilou Libre. Il y a de la joie partout. Le vendredi 21 juin à 23h, Shampoing. Le samedi 22 juin à 23h, Bonnie King of Nowhere. Et le dimanche 23 juin, dans le cadre de la fête nationale, le bal vous donne la chance de vous exprimer en chanson. Osez a cappella. Vivez avec nous votre fête nationale au bal du Lézard, 1049 3e avenue Limoilou. Entrée totalement gratuite et sans taxe. Informez-vous sur lebaldulezard.com. À quelques pas du parc Cartier-Brébeuf, le nouveau Café Tuk Tuk vous en mettra plein les yeux et la bouche. Le Café Tuk Tuk vous propose des sandwichs de toutes sortes, un choix de café torréfié au Québec ou importé d'Italie et une gamme de thé de qualité supérieure. Le Café Tuk Tuk, c'est aussi un endroit pour vous procurer des accessoires pour le café et des théières en porcelaine du Vietnam. Le Café Tuk Tuk s'investit dans sa communauté en exposant des œuvres d'artistes en art visuel d'ici. Les brunchs du dimanche en musique acoustique du Tuk Tuk vous plairont également. Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h et les fins de semaine à compter de 9h. Le Café Tuk Tuk, 1238 1ère Avenue. 88 529 1396. CaféTukTuk.ca. Le bénévolat, c'est altruiste, utile et même indispensable. Et surtout, c'est bon pour la communauté. Sous le thème « Anatomie d'un bénévole », le Centre d'action bénévole de Québec vous invite à découvrir plus de 40 portraits et témoignages de bénévoles de la région. Des hommes et des femmes d'origines différentes qui s'impliquent avec passion dans plusieurs domaines. Pour connaître les lieux et les dates de l'exposition, consultez anatomie-bénévole.com. Le Centre d'action bénévole remercie ses nombreux partenaires. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais chez Si on le disquaire, 1149 Avenue Cartier, la boutique Alpaga. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais, ça peut être payant. Vous écoutez CKRL HD, une radio haute décibels. Alors donc, de retour avec Bruno, Marc et François. Alors François, je voulais te remercier d'être venu à l'émission et de nous avoir fait découvrir ces excellentes pièces de Grice, Lee Fletcher ainsi que Yoshi Campbell qu'on vient d'entendre avant la pause. C'était pas mal bon, franchement. Merci d'être venu. Ben ça me fait oui, un immense plaisir de participer à votre émission. Merci Bruno, merci Marc, puis je salue Michel. Oui, ben oui. Que tu connais aussi. Oui. Personnellement, on est tous des amis et des amateurs de musique et de rock progressif. Oui, comme je t'avais écrit sur le courriel, la musique, c'est notre ami. Oui, c'est ce qui nous rejoint. Absolument. Puis, comme tu disais, tu trouvais que c'était des pièces qui fitaient un peu dans le son Terra Incognita, le genre de musique qu'on fait jouer. Oui. Puis... C'est mon feeling, là, mais je remercie les auditeurs de l'avoir écouté. Je remercie, j'espère que ça leur aura plu. Hein. Et puis... Continue à ramasser tes trésors comme ça, puis... Absolument, absolument. C'est toujours un plaisir. Ça peut devenir une tradition. Ça fait déjà 9 ans qu'on est en onde, puis on s'enligne vers notre 10e année, donc... Félicitations. On poursuit dans notre mission de faire découvrir des nouveaux groupes et également de faire jouer des groupes locaux. On fait jouer beaucoup de trucs internationaux, mais il y a aussi beaucoup de groupes... Ben, il n'y en a pas tant que ça, mais ceux qui sont là, on a de la difficulté à les connaître, à les entendre, ouais. Même s'ils sont tout près. Ils sont peut-être plus connus en Europe ou au Japon qu'à Québec même. Dont le groupe Red Sand, ça fait plusieurs années que ça roule, depuis 2004. Et il y a plusieurs albums. Il va y avoir un nouvel album qui sort bientôt, un DVD. Leur plus récent, donc, Behind the Mask de Red Sun, il y a plusieurs pièces intéressantes sur ça. On va écouter la pièce titre, Behind the Mask, et on va suivre avec Edo, donc un autre groupe de Québec qu'on vous a fait découvrir, qui ont joué à la convention il y a 3 semaines pour nous présenter leur nouveauté. C'est une seule pièce, environ 13 minutes, intitulée Canardière. Alors, c'est un trio instrumental. Alors, donc, Red Sand et Edo. your face and raise your skin. Wanna know what's behind your mask? Your scalpel in my hand. In my head, my room is very crowded. City Call, TV channel, it's time to leave. Le groupe Edo de Québec, c'est leur pièce Canardière et c'est tiré de l'enregistrement éponyme qui vient d'être enregistré il y a quelques semaines à peine à Québec. Donc le groupe est composé de Philippe Bourque au clavier, Rachel Hardy à la basse et Jean-David Vien à la batterie. Et juste avant, il y avait eu de Québec également le groupe Red Sand tiré de Beyond the Mask, la pièce titre. Et c'est ce qui termine l'émission Terra Incognita en ce 15 juin 2013. C'était Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet à l'animation et on remercie aussi notre invité pour ce soir, François Fontaine. Alors on vous souhaite une bonne semaine, on vous revient la semaine prochaine et restez des nôtres puisque l'émission L'Autoroute s'en vient avec Vincent et Jacques dans quelques minutes. Alors à la bientôt. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Hi. Salut, c'est encore moins. Vous vous souvenez du t-shirt 40e anniversaire de CKRL? Bon, ben, on a encore toutes les grandeurs. Petit, moyen et large, mais il est en vente. 15$. Wouh! 5$ de rabais, c'est pas si pire. 405, 3e avenue, Limoilou, pour un temps limité. Salut. He always knew he would, and you know, he was kind of like a guy who was, I always think of somebody who's on a train, and you know, and you know you have to jump off, but pretty soon the train gets going so fast that you know if you jump off you're gonna die, you know. Hi, this is Robbie Krieger from The Doors. And you are listening to CKRL FM 89.1 in Quebec. City of night. City of night. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps. Bon, enfin, il y en a un qui allume. Ça commence à être le temps. Vers où tu t'en vas? Ben, je prends l'autoroute 89,1. Wow, j'embarque.